Un peu trop parano, je me fais des idées. On s'ignore ou on avance, faudrait se décider. C'est pas mes couilles, c'est ma tête que je dois vider. Donc j'arrête pas de faire le mélange dans la vitelle. En vrai, je les regarde pas, mais je sais pas ce qu'ils veulent, leur haine à part pas. Ils jactent, on parle pas. Et si c'est la guerre, investis le pare-balles. Rien à prouver, j'fume jusqu'à m'étouffer dans le tchèque, car j'ai pas tout fait. J'ai pas soufflé, tu m'as fait un coup de travers, gros j'ai pas kiffé. Au début j'étais gravère, mais après tu t'y fais. T'as vu, ils savent bien qu'on sait, ils attendent qu'on cède. Là on est dans le Tcheka, soit on est sur scène. C'est trop grave, j'ai même plus sur qui compter. Dis-moi qui monte, je te dirai qui veut le démonter. Gros tu fais que de la merde, c'est pas ça la vie. Tu fais pleurer ta mère, c'est pas ça la vie. Tu rêves, tu pars de merde, pour moi c'est ça la vie. T'es pierre, mais à la longue tu vas te faire. Retourne ça va vie. Tu fais que de la merde, c'est pas ça la vie. Tu fais pleurer ta mère, c'est pas ça la vie. Tu rêves, tu portes de merde, pour moi c'est ça la vie. T'es pierre, mais à la longue tu vas te faire. Retourne ça va vie. Gros, on pète les scores, ça c'était prédit. J'reste droit et fort comme le frérot m'a médit. J'aime pas les porcs, et ça depuis tout petit. Arrête ton parade, de toute façon c'est pas utile. Gros, y'a qu'un cœur derrière un pare-balles. Mes sœurs, y'a pas que des tarbats. Maman, s'il te plaît, pars pas. Cache ma chapeau, ton index, ça passe. J'suis paré, j'viens de Paris. J'suis paro, c'est qui lui? Il paraît, toi t'arranges les tarots, les Yankees. Tout va vite, trop vite, peut pas s'arrêter maintenant. Faut tout prendre, tout de suite, on pourra pas revenir après. C'était mieux l'époque des cartables. Maintenant, c'est l'époque des gardables. Elle est loin, l'époque des garbas. Ça revient avec la casse ou le parka. Gros, tu fais que de la merde, c'est pas ça la vie. Tu fais pleurer ta mère, c'est pas ça la vie.